et prenez vos fantômes, vos draps blancs froissés et toutes vos erreurs d'homme, vos atomes, vos fissures maladroites. Faites vite, faites comme si les montagnes étaient plates. Me laissez pas là, je pleure et j'ai froid. Me laissez pas là. Faire sans vous, je peux pas. Écoutez ma parole, je vous jure, c'est juré, j'ai fini mes promesses folles. Rock'n'roll, je perdrai mes attitudes, je m'écrase au sol. J'ai perdu trop d'altitude, me laissez pas là. Je pleure et j'ai froid. Me laissez pas là. Faire sans vous, je peux pas. Me laissez pas là. Ici c'est trop bas. Laissez pas là. D'où je suis, je vous vois pas. Je vous vois pas. Venez, prêtez-moi vos adresses, vos maisons, vos cheminées, les chemins qui vous pressent, vos tresses, vos cheveux aux batailles. L'amour qui vous reste, posez-le sur mes rails. Me laissez pas là. Je pleure et j'ai froid. Me laissez pas là. Faire sans vous, je peux pas. Me laissez pas là. Je te vois pas.